pour vous, Mado. Alors que je déambulais dans les rues de la ville, que les lumières s'éteignèrent à mesure du fil que j'avais tissé dans ma vie et qui s'étirait. Pourtant je me souviens, cette nuit-là il pleuvait. J'avais si froid aux mains et les pieds qui gelaient. Maman m'a dit attends-moi là, je reviens. J'attendais. Puis soudain je comprends, je vous vois arriver. Des lumières bleues clignotent et ces deux policiers. Oh, une couverture m'enveloppe, ma petite dame, vous grelottez. Moi je regardais passer ma vie à l'envers, à l'envers. Je me souviens, maman m'a dit, attends-moi là, j'ai peur, je ne comprends plus rien, oh, j'ai si peur, qu'est-ce qui m'arrive, je pars au loin, à la dérive, oui je pars au loin, à la dérive. Et puis tu es venu pour m'amener chez moi. Mais je n'ai rien connu, ni mon chien, ni mon toit. Et dans tes yeux mouillés, j'ai lu le désarroi. Je vais me débrouiller, je te garde avec moi, ma mère. Avec moi, Alzheimer. Avec moi. Bien sûr t'as essayé, t'as tenu quelques mois, mais bien trop épuisé, tu m'abandonnes là. Dans ce grand aquarium où plein de gens comme moi, somnambules de leur vie, la regardent passer à l'envers. Alzheimer. Pourtant, je me souviens, maman m'a dit, attends-moi là, j'ai peur, je ne comprends plus rien, oh, j'ai si peur, qu'est-ce qui m'arrive, mais tu pars. À la dérive. Ah bon? Oui, je pars si loin que je dérive. Une ordonnance posée, une horloge qui balance. Je me sens perdre pied, ça n'a plus d'importance. Ah. Et devant la télé, en état de somnolence. Je regarde le temps passer, les grains du sablier. À force d'exister, tu n'es même plus personne. À force de résister, tu as peur que l'heure sonne. Alors, on te bourre de cachet pour cacher ta colère. On te garde de cachet pour cacher l'Alzheimer. Alzheimer. Je me souviens, maman m'a dit, attends-moi là, j'ai peur, je ne comprends plus rien, oh j'ai si peur, qu'est-ce qui m'arrive, tu pars. temps. Je voudrais bien qu'on dise bonjour à chaque matin, qu'on me prenne un petit peu par la main et qu'on me regarde dans les yeux pour que je m'envole dans tes yeux. Oh oui, pour que je m'envole vers les cieux. Bah pourtant, je me souviens, maman m'a dit, attends-moi là, j'ai peur, je ne comprends plus rien, oh, j'ai si peur, qu'est-ce qui m'arrive, tu pars à la dérive, oh, mais moi je pars. Je dérive. Pourtant, je me souviens, maman m'a dit, attends-moi là. Mais j'ai peur, je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu pars, mon pote, là. Maman, à la dérive. Non, ma petite maman, tu pars. Tu pars.